Chapitre 16. Personne ne connaissait le jeu aussi peu que Saniel. Il savait qu'on jouait à Monaco, voilà tout. Et à Paris, il avait pris son billet pour Monaco, où il descendit de wagon. En sortant de la gare, il regarda autour de lui pour s'orienter. Ne voyant rien qui ressemblât à une maison de jeu telle qu'il la comprenait, c'est-à-dire au casino de Roya, le seul établissement de ce genre qu'il eût jamais vu, il s'adressa à un passant. « La maison de jeu, je vous prie. » « On ne joue pas à Monaco. »« Je croyais. »« C'est à Monte-Carlo qu'on joue. »« Et c'est loin, Monte-Carlo ?»« Là-bas. » De la main, le passant lui indiqua sur la pente de la montagne un endroit verdoyant où au milieu du feuillage se montraient les toits et les façades de constructions importantes. Il remercia et se dirigea de ce côté, tandis que le passant, en appelant un autre, racontait la demande qui venait de lui être adressée. Et tous deux riaient en haussant les épaules. Pouvait-on être bête comme ces Parisiens? Encore un qui allait se faire plumer et qui arrivait de Paris exprès pour ça. Était-il drôle avec ses grandes jambes et ses grands bras? Est-ce qu'on joue avec une pareille tournure? Sans s'inquiéter de ces rires qu'il entendait derrière lui, Saniel continua son chemin en regardant la mer bleue miroiter sous les rayons obliques du soleil déjà bas à l'horizon. Malgré sa nuit passée en wagon, il ne ressentait aucune fatigue. Au contraire, il se trouvait dispos de corps et d'esprit. Le voyage avait calmé l'agitation de ses nerfs, et c'était avec une tranquillité parfaite qu'il envisageait ce qui s'était passé avant son départ. Dans l'état d'apaisement qui était le sien présentement, il n'avait plus à craindre de maladresse ou de coups de folie. Et puisqu'il avait ressaisi sa volonté, tout irait bien. Plus de regard en arrière, encore moins en avant. Le présent seul devait l'occuper. Le présent, à cette heure, c'était le jeu. Comment jouait-on? À quoi jouait-on? À la roulette, il le savait. Mais ce qu'était la roulette, il l'ignorait. Il ferait comme ses voisins. Si on se moquait de lui, peu importait. Et même en réalité, il devait désirer qu'on s'en moquât. On se rappelle avec plaisir ceux dont on a ri. Ce qu'il venait chercher dans ce pays, c'était justement qu'on se souvint de lui. Quand il entra dans les salons de jeu, il remarqua qu'il y régnait un silence religieux. Autour d'une grande table recouverte d'un tapis en drap vert que partageaient des dessins et des chiffres, des gens étaient assis sur les chaises hautes d'où ils paraissaient officiers. D'autres, sur des chaises plus basses ou simplement debout autour de la table, poussaient ou ramassaient des louis et des billets de banque sur le drap vert. Et une voix forte répétait d'un ton monotone « Messieurs, faites vos jeux. Le jeu est fait, rien ne va plus ?» Alors une petite boule d'ivoire était lancée dans un cylindre où elle roulait avec un bruit métallique. Bien qu'il n'eût jamais vu de roulette, il n'eut pas un effort d'intelligence à faire pour deviner que c'en était une. Et avant de mettre sur la table les quelques louis qu'il tenait déjà dans sa main, il regarda autour de lui comment on procédait. Mais il eut beau s'appliquer. Après la dixième partie, il n'avait pas mieux compris qu'après la première. Avec des râteaux, les croupiers ramassaient l'enjeu de certains joueurs. Avec ces mêmes râteaux, il doublait, décuplait ou même payait dans des proportions dont il ne se rendait pas compte certains autres, et c'était tout. Enfin, peu importait. Croyant avoir vu comment on mettait son argent sur la table, cela suffisait. Il avait 5 louis dans la main. Quand le croupier dit « Messieurs, faites vos jeux », il les posa sur le numéro 32, ou tout au moins, il crut qu'il les plaçait sur ce numéro. « Rien ne va plus ». La boule roula dans le cylindre que le croupier avait fait tourner. « 31 !» appela le croupier, qui ajouta quelques autres mots que Saniel entendit mal ou qu'il ne comprit pas. Si peu qu'il connut la roulette, il crut qu'il avait perdu. Il avait placé sa mise sur le 32, et c'était le 31 qui sortait. La banque gagnait. Il fut surpris de voir le croupier lui pousser un tas d'or qui devait former une centaine de louis ou à peu près, et accompagner ce mouvement d'un coup d'œil qui, sans que le doute fût possible, voulait dire « À vous, monsieur !» Que devait-il faire? Puisqu'il avait perdu, il ne pouvait pas ramasser cet argent qu'on lui envoyait par erreur. Il avait déposé sa mise en se penchant par-dessus l'épaule d'un monsieur à la chevelure et à la barbe d'un noir invraisemblable, qui, sans jouer, piquait une carte avec une épingle. Ce monsieur se tourna vers lui et, avec un sourire tout à fait aimable, du ton le plus gracieux, « À vous, monsieur, dit-il. Décidément, il s'était trompé en croyant qu'il avait perdu, et il devait ramasser ce tas de louis, ce qu'il fit, mais en oubliant de ramasser aussi sa première mise. La roulette tournait de nouveau. 32, appela le croupier. Saniel venait de s'apercevoir que ses 5 louis étaient restés sur le 32. Il crut qu'il avait gagné, puisque c'était le numéro qui venait de sortir. Et son ignorance n'allait pas jusqu'à ne pas savoir qu'un numéro à la roulette est payé 36 fois sa mise. C'était donc 180 louis que le râteau du croupier allait lui pousser. Mais à sa grande surprise, il ne lui en poussa pas plus qu'au premier coup. Cela devenait incompréhensible. On le payait quand il avait perdu, et quand il avait gagné, on ne lui donnait que la moitié de son dû. Sa physionomie trahit si bien son étonnement qu'il vit un sourire moqueur dans les yeux du monsieur à la chevelure noire qui s'était de nouveau tourné vers lui. Comme il jouait pour jouer et non pour gagner ou pour perdre, il empocha ce qu'on venait de lui envoyer ainsi que sa mise. « Puisque vous ne jouez plus, dit le monsieur aimable en quittant sa chaise, voulez-vous me permettre de vous dire un mot ?» Saniel s'inclina et ils s'éloignèrent de la table. Quand ils furent assez à l'écart pour ne pas troubler le recueillement des joueurs, le monsieur salua cérémonieusement. « Permettez-moi de me présenter moi-même, Prince Mazzazzoli. » Saniel crut qu'il devait répondre en donnant son nom et sa qualité. « Eh bien, monsieur le docteur, dit le prince avec un fort accent italien, vous me pardonnerez, je l'espère, une simple observation que mon âge autorise peut-être. Vous jouez comme un enfant. »« Comme un ignorant, répondit Saniel sans se fâcher, car, si insolite que fût cette observation, il avait déjà calculé qu'il pouvait être bon pour l'avenir d'avoir à invoquer le témoignage d'un prince. « Je suis sûr que vous en êtes encore à vous demander pourquoi on vous a payé 18 fois votre mise au premier coup que vous avez joué et pourquoi on ne vous l'a pas payé 36 fois au second. « C'est vrai. Eh bien, je vais vous le dire. C'est qu'au lieu de placer votre argent en plein sur le numéro que vous aviez choisi, vous l'avez placé à cheval sur le 31 et le 32. Par une chance qu'on peut vous envier, le résultat a été le même pour vous. Mais que ne donnerait pas cette chance si, au lieu de s'en remettre au hasard, elle était éclairée? Car la roulette n'est pas un jeu de hasard, comme on le croit à tort. Tout y est calcul et combinaison. Ainsi, en plaçant votre argent sur 2 numéros, vous aviez 5 chances contre vous, comme vous en auriez eu 6,5 sur 3 numéros et 7 sur 4. Voilà ce qu'il faut savoir avant de rien risquer, et ce que je vous offre si vous voulez que nous formions une association jusqu'à ce soir. Votre chance, unie à mon expérience, nous faisons sauter la banque. » Saniel n'avait pas attendu cette conclusion pour deviner à peu près ce qu'elle allait être. Un mendiant, ce vieux prince italien, si bien teint. « Mon intention est de ne plus jouer, » dit-il. « Avec votre chance, ce serait plus qu'une faute. J'avais besoin d'une certaine somme, et je l'ai gagnée, elle me suffit. Vous ne ferez pas la folie de refuser la main que la fortune vous tend? Êtes-vous sûr qu'elle me l'attend ?» dit Saniel qui trouvait que c'était le prince. « N'en doutez pas, je vais vous le démontrer. Je vous remercie, je ne reviens jamais sur ce que j'ai arrêté. » En tout autre moment, Saniel eut tourné le dos à cet importun, mais c'était un témoin qu'il fallait ménager. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il poliment. « Permettez que je me retire, après vous avoir remercié de votre offre dont j'apprécie la gracieuseté. » « Eh bien, » s'écria le prince, « puisque vous ne voulez pas épuiser votre chance, laissez-moi le faire pour vous. Cet argent peut être un fétiche. Prenez dessus 5 louis, 5 louis seulement. Confiez-les-moi, je les joue, d'après mes combinaisons qui sont certaines, et ce soir, je vous remets votre part de bénéfice. Où êtes-vous descendu? Moi, j'habite la Villa des Palmes. » « Nulle part, j'arrive. Alors, trouvez-vous ce soir à 10 heures dans cette salle et nous liquiderons notre association. » Son premier mouvement fut de refuser. À quoi bon faire la charité à ce vieux singe? Mais après tout, ce n'était pas bien cher que de payer son témoignage 5 louis, et il les lui donna. « Mille grâces, ce soir à 10 heures. » Comme Saniel allait sortir de la salle, il se trouva face à face avec son ancien camarade Dufaux, qui entrait accompagné d'une femme, celle-là même qu'il avait soignée. « Comment? Vous ici? Ah, par exemple, elle est bien bonne. » Et tous deux, l'amant et la maîtresse s'exclamèrent. Saniel raconta pourquoi il était à Monaco et ce qu'il avait fait depuis son arrivée. « Avec mon argent? Ah, elle est bien bonne !» s'écria Dufaux. « Et vous ne jouez plus ?» demanda la femme. « J'ai ce qu'il me faut. Alors vous allez jouer pour moi. » Il voulut se défendre, mais ils l'entraînèrent à la table de la roulette et lui mirent chacun 1 louis dans la main. Jouez. Comment? Comme l'inspiration vous conseillera, vous avez la veine. Mais sa veine n'avait guère de souffle. Les 2 louis qu'il avait jetés au hasard furent perdus. On lui en donna 2 autres. Cette fois, ils en gagnèrent 8. Vous voyez, cher ami? Il continua avec des chances diverses, gagnant, perdant. Au bout d'un quart d'heure, on lui permit d'abandonner le jeu. « Et qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Dufaux. « Envoyez ce que je dois à mon créancier par mandat télégraphique. Vous savez où est le télégraphe ?»« Non, je vais vous conduire. » C'était un second témoin dont Saniel n'avait garde de refuser le concours. Quand il eut envoyé son mandat à Jardine, il n'avait plus rien à faire à Monte-Carlo, et comme il ne pouvait partir que le soir à 11 heures, il resta désœuvré, ne sachant à quoi employer son temps. Alors il acheta un journal de Nice et alla s'asseoir dans le jardin sous un bec de gaz, en face de la mer tranquille et sombre. Peut-être trouverait-il dans ce journal quelques dépêches télégraphiques qui lui apprendraient ce qui s'était passé rue Sainte-Anne depuis son départ. Il chercha assez longtemps, puis à la fin du journal, aux dernières nouvelles, il lut. Le crime de la rue Sainte-Anne paraît entrer dans une voie nouvelle. Des recherches faites avec plus de soin ont amené la découverte d'un bouton de pantalon auquel adhère un morceau d'étoffe. Il est donc démontré qu'avant le crime, il y a eu lutte entre la victime et son assassin. Comme ce bouton porte certaines lettres et certaines marques, c'est un indice précieux pour la police. Cette preuve d'une lutte entre la victime et son assassin fit sourire Saniel. Si la police entrait dans cette voie, elle ferait un joli bout de chemin avant d'arriver à un résultat. Qui pouvait savoir depuis combien de temps ce bouton se trouvait dans cette pièce peu balayée? De qui provenait-il? Tout à coup, quittant brusquement son banc, il entra dans un bosquet et vivement il se tâta. N'était-ce pas lui qui avait perdu ce bouton? Mais il fut bien vite honteux de ce mouvement inconscient. Le bouton que la police était si fière d'avoir découvert ne lui appartenait point. Ce ne serait pas à lui que conduirait la nouvelle voie sur laquelle elle venait de s'engager. Chapitre 17. Le mardi, un peu avant 5 heures, Phyllis, comme elle l'avait promis, sonnait à sa porte. Elle sortait de son laboratoire où il s'était remis au travail pour aller lui ouvrir. Elle lui sauta au cou. « Eh bien » demanda-t-elle d'une voix frémissante. Il raconta comment il avait joué, comment il avait gagné, mais sans préciser la somme. Et il raconta aussi les propositions d'association du prince Mazzazzoli, la rencontre de Dufaux, l'envoi du mandat télégraphique à Jardine. « Oh, quel bonheur !» dit-elle en le serrant dans ses bras. « Te voilà libre ? Plus de créanciers, maître de moi. Tu vois que j'ai eu une bonne inspiration. » La justice des choses le voulait. Puis, s'interrompant, « À propos de justice, tu ne m'as pas parlé de Cafier le matin de ton départ. J'étais sous le coup de préoccupations qui ne me laissaient pas la liberté de penser à Cafier. Est-ce curieux cette coïncidence de sa mort avec la condamnation que nous avions portée contre lui? Est-ce que cela, précisément, ne prouve pas cette justice des choses? Si tu veux, comme l'argent que tu as gagné à Monaco le prouve pour toi, ce qui est juste arrive nécessairement. Cafier a été puni de toutes ses coquineries et de ses crimes. Toi, tu as été récompensé de tes souffrances. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus juste que Cafier fût puni plus tôt et que moi je souffrisse moins longtemps? Elle resta sans répondre. « Tu vois, dit-il en souriant, que ta philosophie reste courte. Ce n'est pas à ma philosophie que je pense, c'est à Cafier et à nous. En quoi Cafier peut-il être associé à toi ou au tien? Il l'est, ou plutôt il pourrait l'être, si cette justice à laquelle je crois, malgré tes plaisanteries, permettait qu'il le fût. Tu conviendras que cela ressemble à une énigme. Qu'est-ce que tu as appris de Cafier depuis ton départ? Rien, ou presque rien. Tu sais qu'on croit que le crime a été commis par un boucher? Le commissaire a ramassé le couteau devant moi, et c'est bien un couteau de boucher. De plus, le coup qui a tranché la gorge de Cafier a été porté par une main habituée à l'égorgement. C'est ce que j'ai indiqué dans mon rapport. Depuis, des recherches plus attentives que celles du premier moment ont fait découvrir sous un meuble un bouton de pantalon qui aurait été arraché dans une lutte entre Cafier et son assassin. J'ai lu cela dans un journal. Mais pour moi, je ne crois pas à cette lutte. La position de Cafier dans le fauteuil où il a été frappé et où il est mort indique que le vieux coquin a été surpris. D'ailleurs, s'il ne l'avait pas été, s'il avait lutté, il aurait crié et sans doute il se serait fait entendre. « Si tu savais comme je suis heureuse de t'entendre dire cela !» s'écria-t-elle. « Heureuse ? Qu'est-ce que cela peut te faire ?» Il l'examina surpris. « Que t'importe que Cafier ait été tué avec ou sans lutte ? Tu l'avais condamné, il est mort, cela doit te suffire ?» J'ai eu bien tort de porter cette condamnation en causant et sans y attacher d'importance. Crois-tu que c'est elle qui ait amené son exécution? Je n'ai pas cette simplicité, mais enfin j'aimerais mieux ne pas l'avoir condamné. Tu le regrettes? Je regrette qu'il soit mort. Décidément, l'énigme continue. Mais tu sais que je n'y suis pas du tout, et si tu veux, nous en resterons là. Nous avons mieux à faire que de nous entretenir de Cafier. Permets-moi de t'en parler, au contraire, car nous avons besoin de tes conseils. De nouveau, il la regarda en tâchant de lire en elle et de deviner pourquoi elle tenait tant à parler de Cafier, alors que lui, justement, aurait voulu n'en pas parler. Que pouvait-il se trouver sous cette insistance ? Je t'écoute, dit-il, et puisque tu as un conseil à me demander à ce sujet, tu aurais dû me dire tout de suite ce dont il s'agit. Tu as raison, et je l'aurais déjà fait si je n'étais retenu par un sentiment d'embarras et de honte que je me reproche, car avec toi je ne dois avoir ni embarras ni honte. Assurément. Mais avant tout, il faut que je te dise, il faut que tu saches que mon frère Florentin est un bon et brave garçon. Il faut que tu le croies, que tu en sois convaincu. Je le suis, puisque tu me le dis. D'ailleurs, il m'a produit la meilleure impression pendant le peu de temps que je l'ai vu l'autre matin chez toi. N'est-ce pas qu'on voit tout de suite que c'est une bonne nature ? Certainement. Et franc, et droit. Faible, c'est vrai. Et un peu mou aussi, c'est-à-dire manquant de ressort et de volonté. Se laissant entraîner par bonté et par tendresse. Cette faiblesse lui a fait commettre une faute avant son départ pour l'Amérique. Je te l'ai cachée jusqu'à cette heure, mais il faut que tu la connaisses maintenant. Aimant une femme qui le dominait et lui faisait faire tout ce qu'elle voulait, il s'est laissé entraîner à détourner une somme de 45 francs qu'elle lui demandait, qu'elle exigeait le soir même, espérant pouvoir la remettre 3 jours après sans que son patron s'en aperçût. Son patron, c'était Cafier ? Non, il avait quitté Cafier depuis 3 mois, et il était entré chez un autre homme d'affaires dont je ne t'ai jamais parlé. Tu comprends maintenant pourquoi. L'argent sur lequel il avait compté pour remplacer celui qu'il avait donné à cette femme lui manqua. Au lieu de s'adresser à nous, il chercha ailleurs, ne trouva pas, perdit la tête, si bien qu'on découvrit son détournement et que son patron, qui n'était pas moins dur que Cafier, déposa une plainte contre lui. Comment nous parvîmes à la faire retirer et à empêcher le pauvre garçon de passer en justice, ce serait trop long. Enfin, nous réussîmes. Et désespéré, mourant de honte, il partit pour l'Amérique, malgré nous, autant pour n'avoir à rougir devant personne que pour faire fortune, car son caractère est aussi facile à l'illusion qu'à la désespérance. Maintenant que tu as vu Florentin, tu admettras qu'on peut être coupable de la faute qu'il a commise sans être capable de devenir un assassin. Il allait répondre, elle lui ferma les lèvres d'un geste rapide. Tu vas voir pourquoi je parle de cela, et tu vas comprendre aussi que je ne me suis écartée ni de Cafier, ni de ce bouton sur lequel la police compte pour retrouver le coupable. Ce bouton appartenait à Florentin. À ton frère ? Oui, à Florentin, qui le jour même du crime a été chez Cafier. C'est vrai, la concierge a dit au commissaire de police qu'il était venu vers 3 heures. Phyllis poussa un cri désespéré. On sait qu'il est venu. Voilà qui est encore plus grave que ce que nous pouvions imaginer et craindre. Le commissaire, interrogeant la concierge pour savoir quelle personne Cafier avait reçue dans la journée, a nommé ton frère. Mais comme cette visite a eu lieu entre 3 heures et 3 heures et demie, et que le crime a certainement été commis entre 5 heures et 5 heures et demie, personne ne peut accuser ton frère d'être l'assassin, puisqu'il était parti avant que Cafier alluma sa lampe. Comme cette lampe n'a pas pu s'allumer toute seule, il en résulte qu'il ne peut pas avoir égorgé un homme qui était encore vivant 1 heure après que la concierge eût vu ton frère et lui eût parlé. Ce que tu me dis est un grand soulagement. Si tu savais quelle peur nous avons eue. Vous avez été bien prompte à vous alarmer. Trop prompte, mais quand Florentin, nous lisant le journal tout haut, est arrivé à l'histoire du bouton et s'est écrié « Mais c'est à moi ce bouton !» Nous avons tous éprouvé un saisissement qui nous a fait perdre la tête. Nous avons vu la police tombant chez nous, interrogeant Florentin, lui reprochant le passé qui serait étalé au grand jour dans tous les journaux, et tu dois sentir quelle a été notre émotion. Mais ton frère peut, n'est-ce pas, expliquer comment il a perdu ce bouton chez Caffier ? Bien sûr, et de la façon la plus naturelle, comme la concierge l'a raconté, il a été, le jour de l'assassinat, chez Caffier pour demander à celui-ci un certificat constatant qu'il avait été son clerc pendant plusieurs années. Caffier lui a fait ce certificat, qui devait remplacer celui que Florentin avait perdu. Puis, tout en causant, Caffier lui a parlé d'un dossier qu'il ne pouvait pas retrouver et dont il avait besoin. C'était Florentin qui s'était occupé de cette affaire, plus que Caffier lui-même. Et quand elle avait été terminée, il avait rangé le dossier qui était volumineux et ne pouvait pas entrer dans les cases où on les classe ordinairement, sur une planche au-dessus d'une armoire. Le hasard voulut qu'il s'en souvint. Il le dit à Caffier, qui répondit qu'il avait cherché dans cette armoire sans rien trouver. « C'est que vous avez mal cherché, dit Florentin, ou que le dossier a été dérangé par mon successeur. »« J'ai bien cherché, répliqua Caffier, et votre successeur ne l'a jamais vu. »« Eh bien alors, dit Florentin, je vais le trouver. » Et allant chercher une petite échelle, il monta dessus pour atteindre le haut de l'armoire. Sa mémoire ne l'avait pas trompé. Le dossier était bien où il croyait, mais une épaisse couche de poussière noire avait obscurci l'affiche sur laquelle étaient inscrites les indications qui devaient le faire reconnaître. Il le prit pour le descendre, fit un faux pas, et dans un brusque mouvement pour se retenir, un des boutons de son pantalon fut arraché. Et il ne l'a pas ramassé ? Il ne s'en est même pas aperçu tout d'abord. C'est plus tard, dans la rue, en voyant qu'une jambe de son pantalon était plus longue que l'autre et traînait sur ses bottines, qu'il a pensé à l'échelle et qu'il a constaté qu'un bouton lui manquait. Il n'allait pas retourner chez Caffier pour le chercher, n'est-ce pas ? Assurément. Comment prévoir que Caffier allait être assassiné, que le crime serait assez habilement combiné et exécuté pour laisser échapper le coupable, et que deux jours après, la police aux abois trouverait un bouton sur lequel elle bâtirait toute une histoire, que de cette histoire il résulte qu'il y a eu lutte entre l'assassin et sa victime, et que dans cette lutte, un bouton a été arraché, que celui qui l'a perdu est nécessairement celui qui a coupé le cou à Caffier. Florentin n'a pas pensé à tout cela. Ça se comprend. Il a lui-même, le soir, remplacé son bouton par un autre, et c'est seulement en lisant le journal qu'il a senti ce qu'il pouvait y avoir de grave dans ce fait en apparence insignifiant. Et comme lui, en même temps que lui, nous avons partagé son émoi. Vous n'avez parlé à personne de ce bouton ? Certes, non. Nous n'avions garde, et je ne t'en ai parlé que parce que je te dis tout, et aussi parce que, si nous étions menacés, nous n'aurions de secours à attendre que de toi. Florentin est un bon garçon. Mais c'est un mouton qui ne sait que tendre le dos quand il lui pleut dessus. Maman est comme lui, sous plus d'un rapport. Et moi, quoique je sois plus résistante, j'avoue qu'en face de la loi et de la police, je perdrais facilement la tête, comme les enfants qui se mettent à hurler quand on les laisse dans l'obscurité. La loi, n'est-ce pas la nuit, quand on ne la connaît pas, et une nuit troublante, pleine d'effarements, toute peuplée de fantômes. Je ne crois pas que vous soyez menacée, comme tu l'as imaginé dans un premier moment d'émotion. Bien naturel, j'en conviens, mais dont la réflexion montre le peu de fondement. Ce bouton ne porte pas le nom du tailleur qui l'a fourni. Non, mais il porte des initiales et une marque de fabrique, un A et un P, avec une couronne et un coq. Eh bien, comment veux-tu que la police trouve, parmi les 2 ou 3 000 tailleurs de Paris, ceux qui emploient les boutons ainsi marqués ? Et comment ces tailleurs trouvés pourrait-il désigner celui de leur client à qui appartient ce bouton, celui-là précisément et non un autre? C'est chercher une aiguille dans une botte de foin? Où ton frère a-t-il fait faire ce pantalon? Ne l'a-t-il pas rapporté d'Amérique? Le pauvre garçon n'a rien rapporté d'Amérique, si ce n'est de misérables vêtements bien usés, et nous avons dû commencer par l'habiller des pieds à la tête. Nous avons été à l'économie, et c'est un petit tailleur de l'avenue de Clichy, appelé Valérius, qui lui a fait ce costume. Il ne me paraît guère probable que la police trouve ce petit tailleur de l'avenue de Clichy, bien qu'il eût mieux valu que ce pantalon vînt de la belle jardinière ou d'un autre grand magasin. Mais le découvrit-on, et le tailleur reconnut-il que le bouton provient de sa provision, que cela ne désignerait pas ton frère? Enfin, arriva-t-on jusqu'à lui, il faudrait encore prouver qu'il y a eu lutte comme on le suppose, que le bouton a été arraché dans cette lutte et que ton frère se trouvait rue Sainte-Anne entre 5 et 6 heures. alors que sans doute il lui sera facile à lui de prouver où il était à ce moment. Mais chez nous, avec maman, tu vois donc que vous pouvez être tranquille. Chapitre 18. Rassurée, Phyllis avait hâte de revenir rue des Moines pour faire partager à sa mère et à son frère la confiance que Saniel lui avait mise au cœur. Ce fut à pas pressé qu'elle remonta la rue Louis-le-Grand au Batignolles et d'une main fiévreuse qu'elle tira le cordon de leur sonnette. Car le temps n'était plus où, dans cette maison tranquille dont tous les locataires se connaissaient, on laissait la clé sur la porte et où il n'y avait qu'à frapper avant d'entrer. Depuis que les journaux parlaient du bouton trouvé chez Caffier, la liberté et la sécurité qui régnaient dans cet intérieur où jusqu'à ce moment on n'avait rien à craindre, pas plus qu'à cacher, avaient disparu. Plus de clé sur la porte d'entrée, plus d'entretien à haute voix, plus de rire. Maintenant la porte restait toujours fermée. On ne riait plus, et quand on parlait, quand on lisait les journaux qu'on achetait matin et soir, c'était à mi-voix, comme si derrière les murs, les oreilles avaient été aux aguets, que la sonnette tinta et l'on se regardait avec émoi en se demandant d'un coup d'œil craintif si ce n'était pas l'annonce d'un danger. Quand son frère vint lui ouvrir la porte, il trouva la table servie. On l'attendait. « J'avais peur qu'il ne te fût arrivé quelque chose, » dit Madame Cormier. « J'ai été retenue. » Vivement, elle s'était débarrassée de son chapeau et de sa redingote. « Tu n'as rien appris ?» demanda Madame Cormier en apportant la soupe sur la table. « Non. » « On ne t'a parlé de rien ?» continua Florentin à voix basse. « On ne m'a parlé que de ça, ou je n'ai entendu parler que de ça, quand on ne s'adressait pas à moi directement. »« Que dit-on ? » ?»« Personne n'admet que les recherches de la police aboutissent pour le bouton. »« Tu vois, Florentin ?» interrompit Madame Cormier en souriant à son fils. Mais celui-ci secoua la tête. « Cependant, l'opinion de tous a une valeur !» s'écria Félix. « Parle donc plus bas !» dit Florentin. On soutient qu'il est impossible que la police trouve, parmi les 2 ou 3 mitailleurs de Paris, tous ceux qui emploient des boutons marqués AP. Et l'on dit que les trouva-t-on, ils ne pourraient pas désigner ceux de leurs clients à qui ils ont fourni des boutons de ce genre. De sorte que c'est chercher réellement une aiguille dans une botte de foin. Quand on veut bien y mettre le temps, on trouve une aiguille dans une botte de foin, dit Florentin. Tu me demandes ce que j'ai entendu, je te le répète. Mais je ne m'en suis pas tenu à cela. Comme je passais aux environs de la rue Louis-le-Grand, je suis monté chez M. Saniel. C'était l'heure de sa consultation et j'espérais le trouver. Tu lui as avoué la situation ? S'écria Florentin. Dans toute autre circonstance, elle eût répondu franchement, en expliquant qu'on pouvait avoir confiance en Saniel. Mais ce n'était pas quand elle voyait l'agitation de son frère qu'elle allait l'exaspérer par cet aveu, alors surtout qu'elle ne pouvait pas donner en même temps les raisons de sa foi en Saniel. Il fallait donc qu'elle le rassurât avant tout. « Non, dit-elle, mais je pouvais parler de Caffier avec M. Saniel sans qu'il s'en étonnât, puisque c'est lui qui a fait les premières constatations. N'était-il pas tout naturel que ma curiosité voulût en apprendre un peu plus que ce que racontent les journaux ?»« C'est égal, la démarche peut paraître étrange. »« Je ne crois pas, mais en tout cas l'intérêt que nous avions à nous renseigner m'a fait passer sur cette considération. » Et je crois que quand je t'aurai dit l'opinion de M. Saniel, tu ne regretteras plus ma visite. « Et cette opinion ?» demanda Mme Cormier. « Son opinion est qu'il n'y a pas eu de lutte entre Caffier et l'assassin, attendu que la position de Caffier dans le fauteuil où il a été frappé prouve qu'il a été surpris. Donc, s'il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de bouton arraché, et tout l'échafaudage de la police s'écroule. » Mme Cormier poussa un profond soupir de délivrance. « Tu vois ?» dit-elle à son fils. Et l'opinion de M. Saniel n'est pas celle du premier venu, ce n'est même pas celle d'un médecin quelconque, c'est celle du médecin qui a constaté la mort et qui, plus que personne, a qualité, a autorité, pour dire comment elle a été donnée, par surprise, sans lutte, sans bouton arraché. Ce n'est pas M. Saniel qui dirige les recherches de la police, ni qui les inspire, répondit Florentin. Son opinion ne donne pas un coupable, tandis que le bouton peut en donner un. au moins pour ceux qui croient à la lutte. Et entre les deux, la police ne peut pas hésiter. Déjà, on la raille dans les journaux de n'avoir pas encore découvert l'assassin, qui va rejoindre tous ceux qu'elle a laissés échapper. Il faut qu'elle suive la piste sur laquelle elle s'est engagée. Et cette piste... Il baissa la voix. C'est ici qu'elle peut l'amener. Pour cela, il faudrait qu'elle passât par l'avenue de Clichy, et c'est ce qui paraît invraisemblable. C'est le possible qui me tourmente, ce n'est pas le vraisemblable. Et tu ne peux pas ne pas reconnaître que ce que je crains est possible. J'ai été chez Caffier le jour du crime. J'y ai perdu un bouton arraché avec violence. Ce bouton, ramassé par la police, prouve, selon elle, la culpabilité de celui à qui il a appartenu. Qu'elle trouve que je suis celui-là et... Elle ne le trouvera pas. Admettons qu'elle le trouve. Comment me défendrai-je? En prouvant que tu n'étais pas rue Sainte-Anne entre 5 et 6 heures, puisque tu étais ici. Et quels témoins attesteront cet alibi? Je n'en ai qu'un. Maman, que vaut le témoignage d'une mère en faveur de son fils dans de pareilles circonstances? Tu auras celui du docteur affirmant qu'il n'y a pas eu lutte, ni par conséquent de bouton arraché. Affirmant, mais n'apportant aucune preuve à l'appui de son sentiment. Opinion de médecin que l'opinion d'un autre médecin peut combattre et détruire. Et puis pour démontrer qu'il n'y a pas eu lutte, M. Saniel met en avant la surprise. Qui a pu surprendre Caffier? Ce n'est pas le premier venu, n'est-ce pas? De même, ce n'est pas non plus le premier venu qui a pu s'introduire dans la maison, entrer et sortir en échappant à la surveillance de la concierge. Celui-là, bien sûr, était au courant des habitudes de la maison. De plus, il savait que pour se faire ouvrir la porte par Caffier, quand le clerc était sorti, il fallait sonner d'abord et ensuite frapper 3 coups d'une certaine manière. Qui mieux que moi savait tout cela? C'était pied à pied que Phyllis défendait le terrain contre son frère. Mais peu à peu, la confiance, qui tout d'abord la soutenait, s'affaiblissait. Chez Saniel, près de lui, elle était vaillante. Entre son frère et sa mère, dans cette salle qui déjà avait vu leurs inquiétudes, n'osant pas élever la voix, elle se troublait et se laissait gagner par l'anxiété des siens. « Vraiment, dit-elle, il semble que nous soyons des coupables et non des innocents. Et tandis que nous sommes là à nous tourmenter, le coupable, probablement, dans une tranquillité parfaite, rit des recherches de la police. Il n'avait pas pensé à ce bouton. Le hasard le met dans son jeu. La chance est pour lui. Elle est contre nous, une fois de plus. » C'était la plainte qui revenait le plus souvent sur les lèvres de Florentin. Bien qu'il n'eût jamais été joueur, et pour cause, tout pour lui se décidait par la chance. Il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile, d'autres sous une malheureuse. Il y en a qui, dans la bataille de la vie, reçoivent les coups sans se décourager, parce qu'ils attendent tout du lendemain, comme il y en a qui faiblissent parce qu'ils n'attendent rien de bon et qu'ils savent par expérience que demain sera pour eux ce qu'est le jour présent, ce qu'a été la veille. Il était de ceux-là. Qu'avait-il eu de bon depuis que la bataille était engagée? Pourquoi leur père était-il mort juste au moment où, après de rudes épreuves, il arrivait à force de persévérance et de travail à mettre le pied à l'échelle? Encore quelques années, et c'était d'une fortune, c'était d'un nom glorieux qu'héritaient ses enfants, tandis qu'il ne leur avait laissé que ce qu'il avait toujours eu, la misère. Pourquoi lui-même n'avait-il pas pu achever ses études, au lieu de devenir un pauvre clerc d'homme d'affaires qu'on accablait de besognes fastidieuses du matin au soir et de fatigues au point qu'il ne lui restait pas une heure de liberté pour travailler utilement? Ne devait-il pas, comme ses camarades, passer des examens qui lui auraient donné une situation analogue à celle qu'occupaient ses camarades, ni plus intelligents, ni plus courageux que lui? Pourquoi, au lieu de trouver un brave homme de patron, ce qui n'avait rien d'impossible, était-il tombé sur Caffier, qu'il avait martyrisé et abêti? Pourquoi sa mère, née à la campagne, solide, d'une bonne et belle santé, avait-elle tout à coup été frappée de paralysie? Enfin, pourquoi Phyllis, belle fille comme elle était, gaie malgré tout, intelligente, douée de toutes les qualités qui font la vie heureuse dans un ménage, ne trouvait-elle pas un mari assez dégagé de préjugés et d'étroits calculs pour l'épouser? Pourquoi fallait-il que du matin au soir, sans repos, sans lassitude, elle travailla penchée sur sa table ou courut les rues de Paris comme une pauvre ouvrière qui va chercher ou reporter de l'ouvrage? Que ne suis-je resté en Amérique, dit-il. Puisque tu étais trop malheureux, mon pauvre garçon, dit Madame Cormier, dont le cœur maternel avait été remué par ce cri. Suis-je plus heureux ici? Le serai-je demain? Que nous réserve-t-il ce demain, plein d'incertitudes et de dangers ? Pourquoi veux-tu qu'il n'y ait que des dangers ? Dit Phyllis d'un ton conciliant et caressant. Tu attends toujours le bon, toi. Au moins, je l'espère, et n'admets pas de parti pris qu'il est impossible. Je ne dis pas que la vie soit toujours rose, mais elle n'est pas non plus toujours noire, et je crois qu'il en est d'elle comme des saisons. Après l'hiver, qui est vilain, je te l'accorde, vient le printemps, l'été et l'automne. Eh bien, si j'avais l'argent nécessaire au voyage, j'irais passer la fin de l'hiver dans un pays où il serait moins désagréable qu'ici, et surtout moins dangereux pour ma constitution. Tu ne dis pas cela sérieusement, j'espère, s'écria Madame Cormier. Très sérieusement, au contraire. Nous sommes à peine réunis et tu penses à une nouvelle séparation, dit Madame Cormier tristement. Ce n'est pas à une séparation que Florentin pense, s'écria Phyllis. C'est à la fuite. Et pourquoi pas? Parce qu'il n'y a que les coupables qui se sauvent. C'est justement le contraire. Les coupables intelligents restent en vertu de ton axiome. Et comme généralement ce sont des gens résolus, ils savent d'avance qu'ils pourront faire face au danger. Tandis que les innocents, qui sont tout le monde, des timides comme moi ou des pas chanceux, perdent la tête et se sauvent, parce qu'ils savent à l'avance aussi que si un danger les menace, il les écrasera sans qu'ils puissent lui échapper. C'est pourquoi je retournerais en Amérique. Si je pouvais payer mon voyage, au moins j'y serais tranquille. Il se fit un moment de silence, et chacun resta les yeux fixés sur son assiette, comme s'il n'avait d'autre souci que d'achever le dîner. En constatant que ce projet n'était pas réalisable, reprit bientôt Florentin, il m'est venu une autre idée. Pourquoi as-tu des idées ? Demanda Phyllis. Je voudrais que tu fusses à ma place, nous verrions si tu n'en aurais pas. Je t'assure que j'y suis à ta place, et que ton inquiétude est la mienne, seulement elle ne se traduit pas de la même manière. Enfin, quelle est ton idée ? C'est d'aller trouver Valérius et de tout lui raconter. « Et qui nous répond de la discrétion de Valérius ?» demanda Madame Cormier. « Ne serait-ce pas la plus grosse imprudence que tu pourrais commettre ? On ne joue pas avec un secret de cette importance. Valérius est un brave homme. C'est parce qu'il ne peut pas travailler quand les affaires politiques, ou plutôt patriotiques, vont mal que tu dis ça. Et pourquoi non ? Chez un pauvre misérable qui vit si petitement de son travail, ce souci et cette fierté de la patrie ne sont-elles pas la marque d'un cœur élevé ? Je t'accorde cette élévation, mais c'est une raison de plus pour être prudente avec lui, dit Phyllis. Précisément parce qu'il peut être ce que tu crois, la réserve nous est imposée. Tu lui dis ce qui s'est passé, il l'accepte, et il accepte ton innocence. C'est parfait. Il ne trahira ton secret ni volontairement, ni par maladresse. Mais s'il ne l'accepte pas, il cherche les dessous, il suppose que tu as voulu le tromper, il te soupçonne. Alors, ne va-t-il pas tout raconter au commissaire de police de notre quartier ? Pour moi, j'estime que c'est un danger qu'il serait fou de provoquer. Et selon toi, que faut-il faire ? Rien, c'est-à-dire attendre, puisqu'il y a 1000 chances contre une pour que nos inquiétudes, que nous exagérons les uns les autres, ne se réalisent jamais. Eh bien, attendons, dit-il. Au surplus, j'aime autant cela. Au moins, je n'ai pas de responsabilité. Il adviendra ce qui pourra.